Le baron Montes de Monterranos était un lion, mais un lion inexpliqué. Le Paris de la fashion, celui du turf et des lorettes, admirait les gilets ineffables de ce seigneur étranger, ses bottes d'un vernis irréprochable, ses sticks incomparables, ses chevaux enviés, sa voiture menée par des nègres parfaitement esclaves et très bien battus. Sa fortune était connue. Il avait un crédit de 700 000 francs chez le célèbre banquier du Tillet. Mais on le voyait toujours seul. S'il allait aux premières représentations, il était dans une stalle d'orchestre. Il ne hantait aucun salon. Il n'avait jamais donné le bras à une lorette. On ne pouvait unir son nom à celui d'aucune jolie femme du monde. Pour passe-temps, il jouait au whist au Jockey Club. On en était réduit à calomnier ses mœurs, ou, ce qui paraissait infiniment plus drôle, sa personne. On l'appelait Combabus. Bixiou, Léon de Lora, Lousteau, Florine, Mademoiselle Héloïse Brisetout et Nathan, soupant un soir chez l'illustre Carabine avec beaucoup de lions et de lionnes, avaient inventé cette explication excessivement burlesque. Massol, en sa qualité de conseiller d'État, Claude Vignon, en sa qualité d'ancien professeur de grec, avait raconté aux ignorantes lorettes la fameuse anecdote, rapportée dans l'histoire ancienne de Rollin, concernant Combabus, cet abélard volontaire chargé de garder la femme d'un roi d'Assyrie, de Perse, Batriane, Mésopotamie et autres départements de la géographie particulière au vieux professeur du Bocage, qui continua d'Anville, le créateur de l'Ancien Orient. Ce surnom, qui fit rire pendant un quart d'heure les convives de Carabine, fut le sujet d'une foule de plaisanteries trop lestes, dans un ouvrage auquel l'Académie pourrait ne pas donner le prix Montyon, mais parmi lesquels on remarqua le nom qui resta sur la crinière touffue du beau baron, que Josépha nommait un magnifique Brésilien, comme on dit un magnifique Catoxanta.